Voilà, c'était merci beaucoup. Merci Mathieu et merci... Tu peux redire, Jeanne, s'il te plaît, le nom des gens. Rachel et Mathieu, merci beaucoup. Rachel et Mathieu, merci beaucoup. Et puis, bon, il y a une tradition maintenant depuis au moins une année de passer, enfin d'aller interroger une personne de l'équipe d'Archipel qui s'appelle Nadan, c'est un palindrome. Et cette personne complètement geek des applications sonores nous en montre régulièrement. Il nous en a montré une avant-hier, je crois. Bref, le souci, c'est que... je vous laisse écouter, vous allez vite voir ce qu'est le souci. Je vais faire la même chose. Comment je peux faire ? Zut ! C'est bête parce que c'était bien, mais on n'a pas enregistré. C'est fini, la magie de spontanéité. Tu peux juste redire c'est quoi le nom ? Non ! Allez ! Non ! Bon bah voilà, bon app voilà. Nadan. Il a tout expliqué, mais j'avais pas activé l'enregistreur, donc débrouillez-vous avec ça. Et voilà, pour plus de travail journalistique, n'hésitez pas à me contacter au 077 485 83 48. Je serai ravie d'effectuer des reportages pour votre radio.